suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, à votre service, une série de Jérôme Sandlars réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a des images, des romans et des films qui racontent la domesticité, la lutte des classes qui s'y joue, l'intimité qui va avec et qui questionne aussi la notion d'asservissement qui n'est jamais très loin. Alors pour commencer, les personnages, une ministre et son aïeul, une cuisinière qui proteste, une bonne qui s'est épuisée, une chercheuse qui décrypte, une femme qui a servi les riches et une philosophe qui questionne. Ensuite, le décor. Du beurre sur le papier, des pulls en mohair, des enfances finies trop vite, de la bouillie d'avoine, les montagnes noires, des clichés, des privations, l'aristocratie, la bourgeoisie, des humiliations, des agressions, des allées de platane et des adieux. Aujourd'hui, deuxième épisode, on raconte des souvenirs. Une petite fille de 12 ans, parce qu'on est une petite fille à 12 ans, jetée toute seule à Paris, dans cette ville qui... Tout lui fait peur, les tramways, les charrettes, les voitures, elle n'en a pratiquement pas vu des voitures. Puis petit à petit, elle va évidemment, avec les domestiques, elle va établir des relations de solidarité, le mot est peut-être fort, mais ils vont lui apprendre un certain nombre de trucs. Ils vont même la laisser avoir une gâterie extraordinaire, parce que le beurre est enveloppé dans une sorte de papier, et ils vont la laisser lécher le beurre qui est resté sur le papier. Tout le sous-sol était fait avec un damier de marbre noir et blanc. Et Madame Villain exigeait qu'on lustre ce damier avec des pulls en mohair. Au départ, pour me montrer la technique... On se tenait deux par deux avec chacun, on était debout avec un pull en mohair et on donnait des coups de rein pour avancer, pour se déplacer. Vous étiez essoufflé, vous étiez en nage. Par contre, le résultat était spectaculaire. Et c'est très efficace pour perdre du poids. J'ai retrouvé un tour de taille impressionnant à l'époque. Quand ils recevaient, c'était des gens qui arrivaient, qui... J'allais ouvrir la porte... qui vous regardait pas, qui vous aurait bien marché sur les godasses. Et quand après j'allais lui dire, mais attendez, vos invités là, c'est quoi ? Oh, mais Nathalie, faut pas faire attention à ça. Ben si, je suis désolée. N'oubliez pas que vous êtes ma cuisinière. Mais j'ai eu des gens plus âgés qui venaient me voir en cuisine pour me remercier. Ils sont laquais et valets, se font passer pour des bénéiers. Du service à la servitude. Quelques jours après le retour de Marie-Louise, un matin, Jean s'absenta au motif d'avoir été appelé en renfort dans une ferme du hameau. Il n'avait pas tourné les talons que déjà retentissait sur le chemin le bruit reconnaissable de la carriole du marchand de chevaux. Corentine sortit pour rappeler son père. Mais celui-ci s'éloignait à toutes jambes comme s'il avait le diable à ses trousses. Le marchand n'était visiblement pas ici pour une visite d'agrément. Il salua Marie-Louise, la complimenta rapidement sur le nouveau-né et lança tout à trac. « Eh bien voilà, je suis venu chercher Corentine comme nous en sommes convenus. » La petite crut d'abord qu'elle allait passer quelques heures dans la ferme de Kerbiquette. Mais lorsqu'elle aperçut sur la table un linge noué qui contenait son modeste trousseau, elle blêmit. Souriante et faussement enjouée, sa mère lui dit « T'en as de la chance, petite. Monsieur a accepté de te prendre à son service. Tu vas aller dans sa belle maison. » L'homme, bien campé sur ses jambes, sortit un portefeuille en cuir brun épais, en fit glisser plusieurs billets, et en mit à peu près la moitié sur la table. Voilà les 6 premiers mois de gage. Elle sera logée avec l'intendante, blanchie et nourrie. Elle aura son dimanche matin pour aller à la messe. Alors il posa le reste des billets. Ça, c'est ce que nous avons décidé entre nous. La terre s'ouvrit sous les pieds de Corentine. La vérité surgissait comme un poignard. Marie-Louise l'avait vendue au marchand de chevaux. Aussi brutalement que le hurlement avait jailli de sa poitrine, il s'arrêta. La fillette ne se retourna pas vers sa mère, repoussa sa main qui voulait la bénir, prit ses hardes des mains du marchand de chevaux pour lui signifier qu'elle était capable de mener sa vie par elle-même, et alla, digne, s'asseoir sur le banc de la carriole. L'homme monta prestement, fit claquer son fouet, et tous deux partirent sans un regard pour la masure. À 7 ans, Corentine était devenue adulte. Son servante et confidente, fourmine d'être obéissante. Ils sont laquais et balais, se font passer pour des bénets. Mais il faut bien l'admettre qu'ils font la nique à leur maître. Mais il faut bien l'admettre, ils font la nique à leur maître. Ils font la nique, ils font la nique. Roselyne Bachelot, la toute jeune Corentine dont il est question dans l'extrait que vous venez de lire n'est autre que votre grand-mère. Exactement, c'est ma grand-mère maternelle, née en 1890 dans ce qu'on appelle les Montagnes Noires, cette région de la Bretagne centrale, dans ce petit hameau de Kersaludès, situé à quelques kilomètres entre les communes de Gourin et de Roudoualec. Dans une famille extrêmement pauvre. 6 enfants, c'est ça ? Oui, 6 enfants, une pièce, une seule pièce. Un père qui est domestique agricole ou qui est... Oui, la domesticité, elle est constitutive de la vie de ces familles bretonnes extrêmement pauvres. C'est-à-dire qu'elles cultivent le pain de terre, elles le cultivent avec les enfants, elles élèvent une ou deux vaches, parfois un cheval... Mais elle se place également comme domestique dans des familles un peu plus riches ou un peu moins pauvres. Mon arrière-grand-père, Jean, se place régulièrement comme domestique. Et mon arrière-grand-mère, Marie-Louise aussi, elle est une spécialiste de la cuisson de la bouillie d'avoine, qui est une opération extrêmement compliquée. La cuisinière qui tourne la bouillie d'avoine, elle est dans l'âtre. Et évidemment, elle est souvent requise au moment des moissons, au moment où il y a beaucoup de domestiques agricoles dans les fermes et où il faut donner à manger à tout ce monde-là. Mais aussi, elle met à contribution les autres filles de la maison, les filles aînées. Il y a une sorte de domesticité familiale terrible. Et on ne va pas envoyer les filles à l'école pour une raison très simple, c'est que dans cette Bretagne très, très catholique, on ne veut pas les envoyer à l'école laïque. On veut les envoyer à l'école des dites libres, mais il faut payer. Donc les filles restent, et très vite d'ailleurs, elles accompagnent leur mère pour l'aider dans ce travail de domestique. Elles sont en quelque sorte, comme on dit en Afrique, les boys du boy. Oui, tant et si bien que vous dites d'ailleurs qu'elle est la servante de la servante. Elle est la servante de la servante, voilà. Dans ce passage que vous nous avez fait entendre, Roselyne Bachelot, Corentine donc est achetée par un marchand de chevaux. Et à quoi va ressembler son quotidien à partir de là ? Alors, c'est d'abord une promotion parce qu'elle mange à sa faim. On ne peut pas imaginer l'état de famine de cette Bretagne de l'intérieur. Et d'ailleurs, quand mon arrière-grand-père va revenir la chercher, parce que le maire du village va quand même se rendre compte qu'il a placé sa fille... Or, on ne pouvait placer les enfants qu'à partir de 10 ans. Qu'à partir de 10 ans, vous voyez, un peu comme domestique. Donc, mon arrière-grand-père va revenir la chercher et elle va lui dire « Non, papa, ici, je mange à ma faim. » Elle va donc être servante, et là aussi la servante de la servante, parce qu'il y a une hiérarchie dans toute cette domesticité, et il y a une sorte d'intendante qui est là, qui la prend sous sa coupe, qui va lui faire faire évidemment les travaux les plus rebutants, les plus répétitifs. Elle va apprendre beaucoup de choses. Elle va regarder comment ça se passe dans cette famille un peu mieux lotie. Elle va regarder comment on cuisine, comment on met des draps dans les lits. Elle va progresser dans sa connaissance de la tenue d'une maison. Elle va d'ailleurs tellement bien travailler que le patron va lui donner un petit peu d'argent en supplément, parce que tout son salaire va à sa mère. Elle est totalement exploitée. Elle travaille, je sais plus, 13 à 14 heures par jour. Dès qu'il fait jour, on se lève. Donc on se lève à vers 5 ou 6 heures du matin et on se couche, la vaisselle faite, et quand les patrons sont partis, c'est-à-dire on se couche vers 10 heures du soir, vers 9 ou 10 heures du soir. Et ceci tous les jours de la semaine, sans vacances, bien entendu. Pendant 5 ans, de 7 à 12 ans, elle ne reverra jamais ses parents. Et eux ne se seraient jamais permis de venir voir leur fille là où elle était placée. Qu'est-ce qui va décider, Roselyne Bachelot, Corentine, donc votre grand-mère, à partir, à quitter cette terre de misère pour finalement aller vers d'autres horizons, à savoir Paris? C'est d'abord sa personnalité. Elle a envie de s'en sortir. À ce moment-là, il y a deux échappatoires. Il y a le départ en Amérique. Et la seconde, c'est d'être domestique à Paris. Et il y a des milliers de jeunes filles qui se placent à Paris comme domestiques. Il y a donc toute une filière que ma grand-mère va exploiter à travers une parente qui va la placer dans une famille qu'elle connaît, chez un médecin parisien, où elle va rester un certain nombre d'années dans des conditions extrêmement difficiles qui vont lui faire apparaître sa condition domestique agricole en Bretagne presque comme un paradis. J'ai fait connaissance il y a 6 mois de ça, d'une femme aux merveilleux appâts. Elle est placée chez des gens très riches pour leur y préparer le rata. Comme de mon escouade, je suis le cuistot. L'été, quand ses patrons vont aux eaux, je monte retrouver la boniche. Et puis l'on s'offre de bons boulots. Alice de Charentenaire, vous êtes docteur en littérature du 19e. Et vous avez écrit une thèse qui s'intitule « Péril en la demeure ». Comment elle est dépeinte, la servante, au 19e, dans la littérature ? Alors, la servante a d'abord une place dans la littérature du 19e qui est héritée d'une tradition littéraire jusqu'à la fin du 18e, même au début du 19e, qui est une place tout à fait stéréotypée. C'est soit un équivalent d'un peu de la bergère du roman pastoral, soit la servante de comédie, qui a quand même un rôle plus affirmé, plus de personnalité, qui apporte notamment son franc-parler, puisqu'elle n'est pas soumise aux mêmes codifications de sa langue. Et c'est aussi un personnage très présent dans la littérature pornographique et érotique, puisque c'est un rôle qui est le support de beaucoup de fantasmes. Donc c'est pas du tout un personnage qu'on aborde de façon réaliste au début du 19e. En 1850, ce qui fait date dans l'histoire du personnage, c'est la publication bien oubliée aujourd'hui d'un roman de Lamartine qui s'appelle « Geneviève, histoire d'une servante ». C'est un roman à la première personne où une servante très méritante et parée de toutes les vertus affronte toutes les humiliations sur des malentendus, est traînée dans la boue par toute la population de son village dans l'Isère, etc. Et à la fin du roman, devinez qui, Lamartine, vient la reconnaître et rétablir sa réputation. Ce roman, on le lit plus aujourd'hui, mais à l'époque, Lamartine est quelqu'un qui compte énormément dans le champ littéraire, pour deux raisons. Déjà parce que c'était le grand poète lyrique du premier 19e siècle. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est celui qui a échoué à faire triompher les valeurs lyriques en politique, puisqu'il a été humilié à l'élection présidentielle de 1848, ça a été un échec. Donc c'était un repoussoir, Lamartine, en fait. Tous les auteurs, une bonne partie d'entre eux en tout cas, va lui tomber dessus à bras raccourcis pour dire qu'il est responsable de tous les maux de la France et de cette grande déception, finalement, qu'a frappé tout le monde littéraire. Et donc le mieux, ça va être de lui répondre sur son propre terrain et de reprendre ce personnage de la servante, notamment, pour traiter le problème complètement autrement. Et donc, deuxième point très important dans le devenir du personnage de la servante à ce moment-là, c'est un roman des frères Goncourt, qui est aujourd'hui un peu moins oublié, qui s'appelle Germinie la Certeux, et on entend déjà dans ce nom Germinie la Certeux, qui a un petit écho avec Geneviève. Et là, c'est le récit tout à fait réaliste d'une servante qui est loin d'être parée de toutes les vertus, puisque elle a des amants, qu'elle boit, qu'elle va sombrer progressivement dans tous les vices qui vont la perdre, jusqu'à voler sa maîtresse à laquelle elle est tendrement attachée, etc., et mourir enterrée dans une fosse commune sous la condamnation générale. Et en répondant de cette manière à Lamartine, en répondant au lyrisme avec le réalisme, les Goncourt ont entraîné à leur suite une foule d'auteurs qui se saisissent de ce personnage pour se positionner aussi vis-à-vis de l'histoire littéraire passée. Pendant ce temps, Berthe se glissait dans l'escalier de service. Elle avait deux étages à descendre. Dès la première marche, un rire aigu qui sortait de la cuisine de Madame Juseur, au-dessous, l'arrêta. Et, tremblante, elle se tint près de la fenêtre du palier, grande ouverte sur l'étroite cour. Alors des voix éclatèrent. Le flot des ordures du matin montait, dégorgeait du boyau empesté. C'étaient les bonnes qui, furieusement, empoignaient la petite Louise en l'accusant d'aller les regarder par le trou de la serrure dans leur chambre quand elle se couchait. Louise riait, riait plus fort. Elle ne niait pas. Elle connaissait le derrière d'Adèle. Oh non, fallait voir ça. Lisa était rien maigre. Victoire avait un ventre crevé comme un vieux tonneau. Et pour la faire taire, toutes redoublaient de mots abominables. Puis, ennuyées d'avoir été déshabillées ainsi, les unes devant les autres, tourmentées du besoin de se défendre, elles se vengèrent sur leurs dames en les déshabillant à leur tour. Merci. Lisa avait beau être maigre, elle ne l'était pas au point de l'autre Madame Campardon. Une jolie peau de requin, un vrai régal d'architecte. Victoire se contentait de souhaiter à toutes les Vabres, les Duverrier, les Josserand du monde, un ventre aussi bien conservé que le sien, si elles atteignaient son âge. Et Berthe, immobile, effarée, recevait au visage la vidure des cuisines, n'ayant jamais soupçonné cet égout, surprenant pour la première fois le linge sale de la domesticité à l'heure où les maîtres se débarbouillent. Pobouille, d'Émile Zola, 1882. Une chose qu'il faut aussi ajouter, c'est que la servante, c'est celle qu'on ne regarde pas, qui doit être très discrète, dont on ne connaît pas l'histoire, qui porte un uniforme, dont on peut souvent changer le prénom aussi pour ne pas la singulariser. Bref, elle est censée être invisible, niée dans le paysage. Or, justement, tout le mouvement réaliste, ce qui l'intéresse, c'est d'aller chercher les sujets les plus médiocres, les plus triviaux, les plus quotidiens. Et donc, la servante, elle se présente comme un sujet réaliste tout à fait emblématique, puisque le quotidien, la vie quotidienne, notamment urbaine, etc., c'est ça qui intéresse Flaubert, Zola, les Goncourt, etc. Elles sont très isolées. Bon, il commence à y avoir après avec Haussmann ces immeubles qui font 5-6 étages et donc elles sont reléguées au 6e étage. Ouais. Et c'est là qu'elles se retrouvent un petit peu entre elles. Oui. Mais au départ, elles sont quand même très isolées. Oui. L'embauche de domestiques au 19e siècle est liée à des migrations, comme elle l'est d'ailleurs de nos jours. C'est-à-dire qu'elles viennent souvent de familles paysannes de différentes régions de France. On parle beaucoup de la Bretagne, elles viennent souvent de la Bretagne. Oui, vous dites qu'une sur 6 ou 7 est originaire de Bretagne. Oui, ouais. Donc c'est une proportion substantielle de bécassines qui arrivent comme ça à la gare Montparnasse. Et puis, elles sont souvent seules dans le ménage. Donc elles sont les seules de leur classe dans le foyer dans lequel elles travaillent. Avant d'avoir leur propre chambre, elles dorment souvent dans la cuisine ou sous l'escalier. Et puis, effectivement, c'est une profession non seulement féminisée, mais qui se féminise de plus en plus au fur et à mesure du siècle. Et effectivement, elles sont les seules représentantes de leur classe dans les quartiers bourgeois où elles vivent sans hommes. Donc, oui, elles sont très isolées. Ces femmes, elles sont aussi extrêmement mal payées à l'époque. Il y a aussi une grande différence avec les salaires masculins. Non seulement il y a un écart, mais un écart qui se creuse. Alors, cela tient aussi au fait que l'entrée en bourgeoisie se marque notamment par le fait d'avoir une domestique. Donc, n'importe quel ménage, si peu bourgeois qu'il soit, a une domestique à sa disposition. En revanche, pour avoir un domestique homme, cela suppose d'avoir tout un personnel. Et souvent, l'homme est maître d'hôtel dans une très grande maison. D'ailleurs, il dirige le personnel, bien sûr. Donc, il n'y a pas d'homme domestique dans la petite bourgeoisie. Corentine, tassée sur sa chaise, savait que c'était le moment de l'entretien décisif. Une matrone toute de noir vêtue, poitrine en proue, coiffée d'un imposant chignon, fit une entrée tonitruante et l'inspecta de la tête aux pieds avec une absolue froideur. L'enfant s'était levé et observait les consignes délivrées par Marie-Jeanne auparavant scrupuleusement. Tu ne tends pas la main, mais tu fais seulement un salut de la tête. Tu restes debout quand on te parle, tu ne poses aucune question et tu réponds uniquement si on te le demande. Attention, tu courbes la tête, tu baisses les yeux, on ne regarde pas ses maîtres, tu ne souris pas. La patronne soupira. Bon, on verra bien si ça fait l'affaire. Tu t'appelles comment déjà ? Corentine. Corentine, madame, s'il te plaît. Il va falloir t'apprendre les manières, dis donc. De toute façon, Corentine, c'est trop long et monsieur est habitué à Berthe. On t'appellera Berthe. Mathilde, c'est un peu tôt pour qu'elle aille en course. Vous continuerez donc à vous en occuper tant qu'elle ne se débrouillera pas en français. Elle vous accompagnera. Vous lui direz ce qu'il y aura à faire. J'ai l'impression que c'est pas demain la veille qu'elle sera à la hauteur. Enfin, comme ça, elle sera formée aux habitudes de la maison. Alors là, Roselyne Bachelot, Corentine se retrouve chez un second couple à Paris, donc un médecin. Elle a surtout des rapports avec son épouse, parce que lui est très absent, il est très occupé. Des rapports qui sont parfois un peu compliqués, retors. C'est-à-dire, ma grand-mère va se retrouver dans une maison bourgeoise qui a l'équipement d'une maison bourgeoise, c'est-à-dire qu'il y a une cuisinière, il y a une sorte d'homme de peine dédié à toutes sortes de travaux les plus difficiles. La chambre de service est occupée par la cuisinière et ma grand-mère va découvrir sa chambre. Alors j'y mets tous les guillemets du monde, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de cagibi, de débarras qui donne dans la cuisine. Il y a un lit, il y a un seau hygiénique, pas d'électricité, interdiction d'y mettre de la nourriture, interdiction d'avoir une bougie qui risquerait de mettre le feu. On lui signale qu'elle pourra ouvrir la porte et qu'il y a justement le réverbère de la rue qui est là et qui suffira à éclairer sa chambre. Tout de suite, pour une petite jeune fille, elle a 12 ans, qui va donc avoir ses règles, c'est un cauchemar aussi. Ma grand-mère en parlait, le fait des garnitures périodiques qu'elle n'avait pas le droit de laver, et qu'elle lavait en cachette, qu'elle pouvait pas étendre. C'est des choses sans doute triviales, mais qui sont une souffrance absolument atroce. On avait gardé un souvenir épouvanté. Et puis, dans cette famille bourgeoise, il y a une sorte de méfiance perpétuelle vis-à-vis des domestiques. Donc on compte les biscuits dans les boîtes, on met des marques sur les confitures, sur les bouteilles. On ne mange que les restes des patrons, quand il y en a. C'est-à-dire qu'elle va à nouveau connaître la faim dans cette famille bourgeoise où on compte tout, où parfois on se contente pour dîner d'un œuf dur. Il va s'établir aussi entre les trois domestiques une sorte de complicité entre eux et contre les patrons. C'est ainsi que ma grand-mère racontait qu'avant de porter le potage au patron, chacun à son tour des trois camarades, ma grand-mère, la cuisinière et l'homme de peine crachaient dans le potage, ma grand-mère tournait ça avec la louche et servait le potage à ses patrons. Alors là, ça va durer, Roselyne Bachelot, à peu près jusqu'à l'âge de 15 ans, hein, de 12 voilà, à 15 ans. Voilà, ça va durer 3 ans. Elle va apprendre beaucoup de choses jusqu'au jour où la parente qui l'a fait placer chez ses médecins va lui dire qu'il y a une opportunité chez des aristocrates chez qui elle servait parce que cette cousine se marie. Cette cousine se marie, donc elle a formé une des bonnes à être femme de chambre à son tour, et elle lui dit « la place de bonne est libre, écoute, tu vas aller te placer, je vais te recommander au maître d'hôtel qui s'occupe de ses embauches », et là, elle va tomber dans une maison de la très grande aristocratie. Ils sont vicomte et vicomtesse, j'ai changé le nom. Voilà, la mais Rousselet. De la Rousselet. Et alors là, comment ça se passe pour elle chez eux ? Alors elle va tomber dans un monde évidemment totalement différent. Il est très différent parce qu'il y a une domesticité extrêmement nombreuse. Il y a le maître d'hôtel, il y a le chauffeur de monsieur, il y a la femme de chambre de madame qui sont au sommet de la hiérarchie, il y a une gouvernante pour les enfants aidée par des nurses, il y a les lingères, il y a les cuisinières, il y a les bonnes, il y a une trentaine de personnes qui sont là dans un immense hôtel particulier de la rue du Bac. Elle va avoir une chambre à elle, dans les soupentes qui sont réservées aux domestiques, mais elle a une chambre avec un lit en fer, une armoire pour ranger ses affaires, une chaise paillée pour s'asseoir dans sa chambre. Elle mange à la cuisine, mais des choses qui sont bonnes, qui sont préparées pour eux. Elle a des vêtements de service, qui sont des vêtements bien taillés. Elle a des chaussures qui ont été faites à sa taille. Donc elle est à la fois bien habillée, elle mange à sa faim, dans des conditions où elle a un salaire qui est triplé par rapport à ce qu'elle touchait, elle a son dimanche, c'est une vie nouvelle qui s'ouvre devant elle. Le costume que revêtent ces domestiques, est-ce qu'il est source de fantasmes, Alice de Charentenay ? Oui, dans une pièce, on distingue la servante de la maîtresse, notamment par les vêtements qu'elle porte. Et ça, c'est quelque chose à quoi réfléchissent beaucoup les romanciers et aussi les dramaturges, non seulement du 19e, mais aussi du 20e, c'est à l'effacement des barrières de classe, l'ambiguïté de tous ces signes, quelles valeurs sont encore des refuges et à quoi est-ce qu'on peut s'attacher. Le vêtement des servantes, donc la petite robe noire et le petit tablier blanc avec un serre-tête en dentelle blanc, correspond peu ou prou à une réalité historique dans les foyers bourgeois, mais est surtout codifié comme un fétiche érotique tout à fait constitué dès le 19e siècle. Zola invente un personnage qui s'appelle Trublot dans Pobouille, qui ne couche qu'avec des bonnes et les plus sales possibles, poussé par une pulsion scopique de regarder les femmes nettoyées. C'est un phénomène que Freud a partiellement expliqué plus tard. La servante, c'est souvent celle qui, dans la bourgeoisie, a pris soin de l'homme dans son jeune âge. Et ensuite, à 14-15 ans, c'est elle-même qui le dépucelle. Donc, elle permet une réalisation partielle du complexe d'Œdipe sans franchir le tabou ultime qu'est l'inceste. De fait, hors roman, les domestiques qui prennent en charge le sale sont aussi identifiés par des hommes prédateurs comme étant disponibles pour prendre en charge des désirs dont ils pensent que ils ont toute légitimité à les déverser sur elles. Dans cet environnement tout à fait confortable qu'elle découvre, très vite, elle va réaliser qu'il y a une chose qui est dangereuse, c'est l'atmosphère de prédation sexuelle consubstantielle à cette domesticité. Quand elle va prendre possession de sa chambre, elle va être très étonnée de voir qu'il n'y a pas de clé. Et on va lui expliquer qu'en fait, il faut être à la disposition du maître, qui peut rentrer dans la chambre s'il le souhaite. Donc elle va d'abord bloquer sa porte avec sa chaise. La chaise paillée avait beaucoup d'importance pour ça. Et puis, elle va bien s'entendre avec Aurélie. La favorite du vicomte. Elle va lui dire, écoute, je voudrais une clé. Et Aurélie aura tout intérêt à lui donner une clé qui va protéger ma grand-mère, mais qui va la protéger elle aussi. Donc, ma grand-mère va échapper à cela et se préserver vis-à-vis des autres domestiques, parce que si vous vous laissez aller à cela, et pire, si vous tombez enceinte, c'est le renvoi immédiat. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ces grandes bourgeoises et ces grandes aristocrates, c'était aussi un moyen de régulation des naissances. Quand elles estimaient avoir fait leur devoir de génitrice, au bout de 2 ou 3 enfants, elles fermaient la porte de leur chambre. Et elles passaient le relais aux domestiques. Elles passaient le relais aux domestiques. La vertu de ces bourgeoises était conquise grâce à l'exploitation d'un sous-prolétariat domestique. Corentine finira par quitter cette maison aristocratique parce qu'elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Jules, le fils d'un cousin du vicomte, voilà. Dont on se demande s'il a envie de se marier un jour, s'il est homosexuel, si, etc. Et puis on le confie à ce vicomte qui est censé un peu le dévergonder. Le débournicher, comme on dit chez moi. Voilà. Et ce jeune Jules, en fait... Il tombe amoureux de ma grand-mère. Il tombe amoureux de ma grand-mère, effectivement. Et se fait fort de lui apprendre à lire et à écrire, c'est très voilà, bien. C'est ça qui est tout à fait merveilleux. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement avoir une histoire d'amour sensuel avec elle. Il va la demander en mariage. Et ils vont se marier... Au grand dam de ses parents. Ah, au grand dam de ses parents, évidemment. C'était évidemment une humiliation considérable. Ils vont rompre avec ce fils qu'ils vont mettre à la porte. Et ils commencent quelques mois de bonheur, puisque Jules va être tué à la première bataille de la Marne, en septembre 1914. Corentine est enceinte. Et Corentine est enceinte. Elle aura une petite fille posthume, qui s'appelle Juliette. Il me semble que vous avez eu une petite pensée pour Corentine, Roselyne Bachelot, lorsque vous êtes devenue ministre de l'écologie et du développement. En 2002, quand je suis pour la première fois rentrée à l'Élysée pour un conseil des ministres, mon premier conseil des ministres, c'est évidemment Corentine qui m'accompagnait. Et... j'ai pensé à une phrase qu'elle aurait certainement prononcée. Elle m'aurait regardé les yeux mi-clos, elle m'aurait dit « Toi, ma petite, tu as su où mettre tes pieds sales. Didier Léchère, vous avez 46 ans et pendant 13 ans, vous avez travaillé aux côtés de votre mari pour des familles ultra riches. Oui. Comment ça a commencé tout ça ? J'ai grandi à la campagne. Mon papa était paysagiste horticulteur. Donc en tant que paysagiste, il était amené à faire de la conception et de la création de jardins pour les particuliers. Et bien souvent, c'était les gens relativement aisés qui faisaient appel à un professionnel pour l'élaboration de leurs espaces verts, en fait. Et donc, nous, on était amenés à aller avec lui dans les jardins, à l'aider aussi. Hein, on a été mis à contribution. On a pris, dès le plus jeune âge, goût du service, parce que ces gens ne faisaient rien eux-mêmes. Donc très vite, si vous voulez, j'ai été habituée à fréquenter des gens qui étaient un peu au-dessus de la moyenne au niveau social. Alors par la suite, vous avez travaillé comme jeune fille au pair, vous avez fait des ménages, et puis plus tard, vous avez rencontré votre mari. Et là, tous les deux, vous avez eu envie de travailler de nouveau pour des familles très riches. Comment ça s'est fait à ce moment-là ? On a voulu quitter l'Alsace et on a voulu changer de vie. Déjà pour être ensemble et pour travailler ensemble. Et par passion de ce métier aussi. Le fait de travailler dans des grands espaces et dans des belles demeures. On a postulé en tant que gardien et régisseur. Et un jour, dans le journal local alsacien, il y a eu une annonce pour un grand domaine dans le Var, à côté d'Aix-en-Provence. C'était pour un couple d'Allemands, assez connu d'ailleurs en Allemagne, surtout monsieur. Vous les appelez monsieur et madame Neige. Monsieur et madame Neige. Évidemment pas leur vrai nom. Hein. Non. Et nous avons postulé, puis nous avons réussi à obtenir un entretien. Donc c'est comme ça qu'on est descendu dans le sud. Je vis encore l'émotion de quand on est arrivé devant le portail de leur demeure. Vous pouvez pas vous imaginer parce que on était excités et on a très vite compris que là on allait taper dans du haut level comme on dit. Il y avait un portail avec des caméras, avec une allée de platanes. Il faut quand même vous imaginer qu'il faisait exactement 700 mètres avec des platanes centenaires et des deux côtés un genre golf. Hein, c'était plutôt des pâtures mais très bien entretenues avec de la forêt, une rivière qui traversait la propriété. Un court de tennis, un pigeonnier. Nous, on n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grandiose. Et quand on est arrivé en bas, on a découvert la Bastide avec toutes ses dépendances. Et là, Monsieur Neige est venu sur la terrasse et nous a accueillis. Et ça a été le premier pas dans le monde des riches. Nous avons eu un entretien où il nous a expliqué en quoi consistait son métier. Eux, pour le coup, c'était des personnes qui avaient plusieurs résidences secondaires et qui étaient en moyenne là 3, 4, 5 mois maximum par an parce qu'ils voyageaient beaucoup. Donc il leur fallait un couple de régisseurs pour gérer le domaine. Moi, ma tâche, c'était de gérer l'intérieur, l'entretien général de la Bastide, de gérer les courses, de gérer les repas. Quant à mon conjoint, lui avait les extérieurs à gérer et aussi tout ce qui était gardiennage et sécurité. Parce qu'il faut savoir que chez ces gens-là, il y a des œuvres d'art, il y a des choses de valeur. Donc en général, il y a des caméras et alarmes. Donc l'entretien s'est bien passé. Hein. C'est clair qu'on avait les compétences, nous avons bien compris en quoi ça consistait. Ils nous ont fait visiter les extérieurs, le pool house, la maison du gardien aussi, qui était tout à fait charmante. Après, notre contrat a été fait sur la base d'un temps plein, à l'année, annualisé, avec 4000 euros de salaire net pour le couple. Sans compter qu'à côté, nous avions souvent des enveloppes. Et il a été convenu qu'on déménageait 3 mois plus tard. Nathalie, vous avez 73 ans, vous êtes aujourd'hui à la retraite. Oui. Et il y a une quinzaine d'années, quand vous aviez 62 ans, vous avez connu une parenthèse pendant laquelle vous avez travaillé comme cuisinière au service d'un riche patron de la banlieue parisienne à Neuilly. Tout à fait. Comment ça a commencé tout ça ? En fait, c'est le hasard. J'avais arrêté mon métier, je faisais du casting. Et le travail devenait difficile et je ne savais pas quoi faire. Et en fait, en réfléchissant bien, je me suis toujours trouvée dans les cuisines d'amis en vacances. Donc, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas quelque chose dans la cuisine à domicile? Et puis, j'ai rencontré des gens qui gravitent, on va dire, dans un milieu aisé, qui m'ont proposé, en me disant, nous, on a un ami, en parlant de ce monsieur, et qui cherche quelqu'un. J'y suis allée. À l'époque, c'était dans le 16e arrondissement. Et la femme qui m'a ouvert la porte... Il s'est passé quelque chose entre nous deux. Je ne sais pas quoi. Je ne pourrais même pas vous expliquer. J'ai eu l'entrevue avec en fait mon futur patron. Et puis, quand je suis repartie, cette dame m'a raccompagnée en bas et elle m'a dit, j'espère que ça va être vous. Et c'était qui cette dame ? C'était la gouvernante de cette maison. Et puis, pas longtemps après, peut-être une semaine après, le monsieur m'a appelé et m'a dit, si vous voulez, on fait un essai. Mais j'ai eu plein de questions. Hein. On m'a demandé si je buvais. Bon, on m'a demandé si j'avais une famille, si j'avais des enfants, si j'avais des amis. Ben oui, parce que je venais d'une famille normale. J'avais été mariée, donc voilà. Donc quand je suis arrivée, le monsieur n'était pas là, il était en voyage, et donc j'ai pu me rôder un peu avec le personnel qui était là. Alors à l'époque, il y avait donc cette gouvernante qui régissait absolument la maison. Il y avait un chauffeur, il y avait un jardinier, et puis avec la gouvernante, il y avait une bonne. Parce qu'en fait, cette maison, elle était impeccable. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on était dans un hôtel. La chambre de ce monsieur était faite à fond tous les jours. J'adorais la façon dont elle pliait la couverture pour pas qu'il ait à... Alors quand il faisait, quand il faisait moyennement chaud, au lieu de mettre la couverture au bout du lit, elle mettait la couverture en accordéon à côté de lui. Comme ça, quand il pouvait prendre la couverture, se retourner et se couvrir. Je trouvais ça génial. Tout était fait absolument nickel dans cette maison. Mais il y avait ces deux personnes qui étaient, qui passaient leur temps en fait à faire ça. Et alors la hiérarchie voulait que la gouvernante avait une blouse grise, la bonne avait une blouse rose. Ça c'est la hiérarchie. Et quand monsieur recevait, la gouvernante était elle qui servait à table en gants blancs. L'ancien cuisinier était parti. Et donc, je me suis un peu faite, je me suis retrouvée dans une grande cuisine, donnant sur un jardin. Ça, c'était plutôt agréable, et avec tout ce qu'il fallait à l'intérieur. Et elle me disant, vous inquiétez pas, j'ai plein de recettes. Parce qu'en fait, elle avait fait la cuisine, cette dame. Et bon, je me suis trouvée bien dans cette cuisine, au départ. Tant qu'il n'était pas là. Lydia Léchère, comment ça va se passer à partir de ce moment-là avec monsieur et madame Neige ? Petit à petit, je commence à prendre mes repères, à travailler. Au départ, madame est charmante puisqu'elle m'explique beaucoup de choses. Mais petit à petit, je vois qu'elle est très exigeante parce qu'elle me demande souvent de recommencer le travail que j'ai fait. Dès le petit déjeuner, ça pouvait commencer avec la couleur de la tasse, avec la couleur de la serviette ou la manière dont on avait coupé les fruits. Il n'y a pas 36 000 manières de faire une salade de fruits le matin. Mais elle pouvait décréter qu'elle voulait les fraises en quartier, elle ne les voulait pas en rondelles. Ça, nous, on n'était pas forcément censé le savoir parce que madame était assez lunatique. Elle était capable vraiment de monter le ton, de taper du pied. Donc c'était nous, les femmes qui étions à son service à l'intérieur, dont moi qui étais la responsable, qui était sujette à ces crises. Il faut savoir que chez les Neiges, madame Neige prenait un malin plaisir à me balancer des noyaux de cerises ou d'olives au-dessus des placards de la cuisine, à me planquer des feuilles d'arbre sous les tapis des tiroirs de salle de bain, à me planquer des cotons-tiges entre ses pulls. Et je dis que c'est le piège du petit poucé, et c'est quelque chose qu'elles font toutes. C'était une très belle femme. Elle avait un visage relativement amenant, doux. Et je pouvais voir ce visage se transformer en l'espace de quelques secondes. Quand elle arrivait dans sa demeure, à son arrivée, elle me félicitait en me disant que ça n'avait jamais été aussi beau, que c'était magnifique. Et subitement, le soir, quand je revenais en cuisine pour leur préparer le dîner, déjà rien qu'au son de ses pas, je pouvais savoir ce qui m'attendait. Si les pas étaient allégés, c'est qu'elle était de bonne humeur, que je n'allais pas avoir de réprimande. Et s'il y avait un pas lourd avec des claquements, parce qu'elle portait des talons, je savais que ça allait être ma fête. C'est-à-dire que j'avais affaire à une patronne qui avait des personnalités multiples. Et elles ont toutes ce genre de comportement. Ça se confirmera d'ailleurs par la suite. Donc on est rentré dans un rapport où... Notre état d'humeur dépendait de l'état d'humeur de Madame Neige. C'était un patron qui était seul ou en couple ? Qui était seul. Et un monsieur de quel âge ? Il avait 2 ans de plus que moi. Donc 64 ans. Voilà. Il fallait que je tienne un carnet avec... Tout l'argent qui sortait était noté. Ou là, je lui ai un jour dit, mais vous me fliquez ou quoi ? Vous n'avez pas confiance ? Non, mais c'est parce que je ne sais plus. Je ne sais plus la valeur des vraies choses. Ok. Donc on a commencé comme ça. Elle était extrêmement, elle m'aidait beaucoup. Elle était beaucoup là avec moi, la gouvernante. Elle m'aidait pour les, pas pour les idées cuisine, j'en avais, mais pour arrondir les angles par rapport, parce qu'elle voyait bien que ma façon d'être n'était pas soumise comme elle était. Mais elle, cette femme, elle est rentrée en domesticité, elle avait 6-7 ans. C'était une femme exceptionnelle, qui, avec tout le boulot qu'elle avait, faisait des draps, des nappes au fil d'or. Et elle n'a vécu que dans des murs, en fait, où elle se sentait en confiance. Et je pense... Quand parfois elle disait « Ah, j'en ai marre, je voudrais m'en aller et tout », alors tu disais « Mais pourquoi vous partez pas ?» Et je sentais bien que non, elle n'aurait pas pu partir. Elle avait... L'extérieur lui faisait peur. Ce qui la rassurait, c'était cette maison où elle était et qui englobait toute sa vie et tout ce qu'elle était. Elle vivait avec rien. Quand je dis rien, elle avait une chambre où il y avait le strict minimum. Quand on allait faire des courses ensemble... Elle marchait derrière moi dans la rue, la tête baissée. Donc ça, moi, je disais, ah, non, vous venez à côté de moi. Moi, ça, je peux pas. Non, vous inquiétez pas, je vais porter... Non, sûrement pas. Je me demande si elle était rentrée toute seule dans un bistrot un jour. Et vous, alors, quelle était votre attitude face à ce monsieur, Nathalie? C'était compliqué. Ça devenait difficile parce que, en fait, il était jamais content. Mais il était content, mais il n'était jamais content. Par exemple, je faisais une soupe de moules, il fallait que j'épluche les moules. Il ne prenait pas une coquille pour éplucher. Et tout était comme ça. Ce monsieur-là, on lui faisait... Parce qu'il était assez... Comment dire... il aimait beaucoup les desserts, il aimait beaucoup les bonbons, les tout ça, et on faisait plein de choses. Et on aurait eu un grand enfant. Et en fait, voilà, cette femme avait été chez les parents de ce garçon et c'était le dernier lien qui le raccrochait à ses parents. Et elle le protégeait énormément. Elle n'avait pas d'enfant, cette femme. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait jamais été mariée. Sa vie, c'était la domesticité. Est-ce que vous aviez le sentiment d'être entrée aussi en domesticité, le fait de travailler au service de ce monsieur? Oui. Ça veut dire quoi? J'avais pas compris. Mais c'est-à-dire que ce monsieur m'avait proposé de me défaire de mon appartement, de venir habiter dans son immeuble, où je pense qu'il avait des studios. Et là, je lui ai dit, attendez, non. Moi, j'ai mes amis. Non. Moi, j'ai des enfants. J'ai des petits-enfants. Il est hors de question. Je ne peux pas vivre. Et je lui avais dit, d'ailleurs, je peux pas vivre comme votre gouvernante. C'est pas possible. Vous étiez bien payé à cette époque? Ah oui, j'étais payé 1 700 euros. Oui, j'étais. Moi, j'estimais que j'étais bien payé. Comment ça s'est terminé avec ce monsieur? Alors, au bout de 3 mois, il a voulu me faire signer le définitif. Un contrat. Le contrat. Le CDI. Et là, je me suis dit, hop, ça va pas être possible. Non seulement j'étais là de 9h du matin à 8h30 ou 9h le soir, avec 2 heures de pause, mais où je ne pouvais pas rentrer chez moi. Mais parfois, quand il recevait, c'était jusqu'à parfois minuit, 1 heure. Donc, je me suis épuisée. J'avais perdu je ne sais combien de kilos. Je mangeais plus, j'allais plus du tout. Et un matin, je suis arrivée. Je suis montée le voir. Puis je dis, voilà, je m'arrête là, à la fin du mois, parce que j'en peux plus. Mais comment? Et là, c'est là qu'il m'a dit, Nathalie, vous m'emmerdez. Parce que moi, j'aime ce que vous faites. Ben, je dis trop tard. Je dis c'est trop tard, je suis désolée. J'ai mis en exergue du livre... Geneviève Fraisse, philosophe. Une citation de Christiane Rochefort, « Ma vie revue et corrigée par l'auteur ». Et elle a un texte que j'ai mis en exergue qui s'appelle « Si j'avais une femme ». Si j'avais une femme, elle répondrait au téléphone, aux lettres, aux huissiers, aux persécuteurs. Elle remplirait les formulaires, réglerait les factures, classerait le courrier, organiserait mes rendez-vous, ferait réparer la machine à laver, changerait les abat-jours, défrayerait les paquets, surveillerait les plantations, jouerait avec les chats, balayerait sous le lit, irait au marché, chercherait les charters. Pendant que moi, j'écrirais les sœurs Karamazovna. Mais je ne peux pas avoir une femme. Parce que Je ne pourrais pas laisser tout le sale boulot à quelqu'un pour qui j'aurais un minimum de sympathie. Et quelqu'un pour qui je n'aurais pas le minimum, comment je pourrais la supporter en permanence à la maison? Je me demande comment ils font. Donc n'en pouvant plus, avec Joseph, on décide de partir vers d'autres contrées, parce qu'on y a pris goût, on prend goût au beau. Et on voulait retravailler en couple, et c'est comme ça que nous arrivons chez les Vilains, qui ont un grand château à côté de Rambouillet. Ça, c'est des gens du milieu de la haute couture. Madame Vilain, quand elle a su pour qui nous avions travaillé, s'était mis au défi de nous avoir. Ils viennent de chez un tel, moi aussi je peux me les payer. Et très vite, madame se révèle être un vrai tyran. Il y avait des toilettes au rez-de-chaussée qui leur étaient réservées. On m'a strictement interdit d'aller dans ces toilettes, alors que je suis désolée, c'est moi qui les nettoyais, qui les récurais. Et on devait courir au deuxième étage pour aller se soulager. Moi, il m'est arrivé de me faire pipi dessus, mes collègues aussi. Donc, mon collègue sri-lankais m'a expliqué qu'il ne buvait pas 2 heures avant le service du soir. Moi, j'ai pris l'habitude de prendre des grosses serviettes hygiéniques parce que je savais qu'un accident pouvait m'arriver le temps que je monte. Et très vite, en fait, j'ai refusé tout ça. Je suis allée aux toilettes du rez-de-chaussée. Donc là aussi, ça a fait un gros scandale. Mais je ne me suis pas laissé faire. Parce que ces gens-là ne vous traitent plus comme un humain. Moi, j'ai vu Madame Vilain frapper ma collègue à coups de torchon alors que ma collègue n'avait rien fait. Et ma collègue disait « Oui, madame, bien, madame. Oui, madame. Oui, madame. » Le jour où j'ai vu cette scène, je lui ai dit « Ne vous avisez pas de faire ça avec moi. Ça marchera pas. » Et pourtant, elle me faisait mal au cœur. Quand elle m'appelait dans son boudoir et qu'elle était sincère à ce moment-là, c'était des instants rares, peut-être, j'irais même des instants privilégiés d'humanité qu'elle m'a donnés. Voilà, parce que Madame Vilain était une ex-mannequin. Et souvent, les dames pour lesquelles j'ai travaillé, mes patronnes, n'étaient pas à l'origine de la fortune. C'était leur époux qui était des héritiers ou qui avaient construit leur fortune. Mais ces dames-là n'ont pas de passé. Elles ne vont jamais vous parler de leur enfance. Elles ne vont jamais vous parler de leur adolescence ou de leur vie de jeune femme. Elles ne parlent que de leur vie au moment où elles se sont mariées avec monsieur. Donc elles effacent leur passé pour entrer dans le monde des riches. Et je pense qu'après toute leur vie, elles doivent faire payer aux autres le fait qu'elles ont dû renier leur passé pour avoir un nom. Elles ont obtenu un titre, vous comprenez? Et je pense que nous, le personnel, on leur rappelait peut-être une part de leur passé, mais on leur rappelait surtout qu'elles avaient la possibilité de nous dominer du fait qu'elles avaient l'argent et la situation pour le faire aujourd'hui. Donc oui, on est rentré là-dedans, on a persisté là-dedans, parce que oui, ça a pu devenir une certaine forme d'addiction. On était aussi fiers de travailler pour ces personnalités, il faut le savoir, de travailler dans le beau, dans le grandiose, de travailler au paradis. Parce que je peux vous le dire, ces gens-là sont au paradis, mais malheureusement, ils en font un enfer. Du service à la servitude. Avec Roselyne Bachelot, Alice de Charentenay, Lydia Lécher et Nathalie Join. Merci à Geneviève Fraisse. Ronde comme une pomme d'api et l'air godiche un peu, mais gentille avec ses grands yeux bleus. La bretonne et petite bonne chez les Durand des gens vertueux. Lecture Guillaume Marquet. Prise de son Nicolas Mathias, Gilles Gallinaro et Thibaut Nassimben. Mixage, Philippe Mercher. Démontrant la bonne à son côté. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier et Mathias Migy. C'est un modèle de profiter. Un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Anne Fleury. Et puis, quelle bonne fille, elle a toutes les qualités. C'est une honneur, comme dit notre portier. Une fille comme ça dans le quartier. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien pour nous écouter. Avant de démissionner, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Thank you.